Vas-y, entre. T'écoutes quoi là? Je sais pas, mais c'est trop 6:30. entraînant. Ouais, c'est un peu toujours la même chose quoi. Toujours pareil. Non, ça change un peu. Avec cet instrument là, il peut y avoir de paroles, c'est nul quoi. Non, mais attends, faut écouter en entier là, tu vois pas. Il y a des sons bizarres et après ils chantent. Hey, tu le sens là? Les paroles, c'est toujours pareil, quoi. Oh non, là, il va s'exciter un peu, là, c'est très excitant. Tu vas dire combien de ta musique de merde, là? 2:30, tu le sens, là? Mais il y a la version longue qui fait 2:50. Tu le sens, là? C'est de la trance, là. Faut avoir pris des trucs, faut avoir... Je sais pas, quoi. On voit, quoi. Tu le sens, là? C'est fini, hein. Tu le sens, là? Je te ferai écouter un truc là, ouais. Tu me diras ce que t'en penses. Tu le sens là? Bon, c'est plus casse-couille que ça quoi. Tu le sens là? Ah, oui, c'est comment? Faudrait comprendre. Hey, tu le sens là? Hein. Ah, la musique. Bon, hey, tu le sens là? Elle est trop merdique quoi. Ah bon, carrément? Tu le sens là? Mais c'est écoutable quand même. Ouais, enfin, tu vois, bon, tu si t'écoutes, il dit des trucs pas trop cons quoi. Enfin, ah ouais, c'est mon avis quoi. Tu le sens là? Je suis détesté toi. Ah bon? Enfin bref, je vais te mettre la cassette. Tu le sens là? Ce que t'en penses quoi. D'accord? Ouais, mais on écoute un petit peu. Tu le sens là? Jusqu'à la fin, bon, c'est plutôt fini ton truc là. Oui, oui. Tu le sens là? Reste pas longtemps là. Tu le sens là? Le casse-couille quand même. Trop bon là. Non, mais d'abord, tu le sens là? T'es pas pressé? Non, parfait. Tu le sens là? Oh non, pas encore. Tu le sens là? Tu vas rester un peu de faire chier quoi. Tu le sens là? Tu le sens là? Bon, bah c'est bon, c'est fini là. Ouais. Ouais, putain, la cassette là. Ouais, pose la là. J'espère que t'es pas trop con.